Chapitre 7e. Bah poursuivit. Oui, j'eus beau fouiller la berge et questionner les gens des villages environnants. Personne n'avait vu Aigne, ni les piastres. Pourtant, 60 caisses, cela ne s'emporte pas comme une simple tabatière. Enfin, la rage au cœur, je me mis à la recherche de Aigne. Je ne le découvris pas, mais je parvins à savoir où se trouvait Mitsui Jinzo chez l'épicier Lampoon. Je m'introduisis chez Lampoon, décidé à attendre l'arrivée de Aigne pour le tuer, car je savais bien qu'il ne me donnerait pas ma part. Aigne ne vint pas, et je vis Mitsui Jinzo s'en aller avec d'autres Chinois qui sont les amis de Aigne. Je les suivis, et j'embarquai à bord de la jonque sans être vu. Je vous vis monter de la cale et sauter dans l'arroyo. Je pensais que vous vouliez prévenir Aigne. Je vous suivis et vous abattis, voilà. Mais si vous prévenez la police, je serai sûrement arrêté. Pendant que Ba parlait, les deux hommes, à grandes enjambées, avaient continué à marcher. Soudain, Iko Teruka s'arrêta. « La jonque, souffla-t-il, elle est là !» Il ne se trompait pas. À travers les arbres de la berge, la jonque, sur laquelle Iko Teruka s'était embarquée moins d'une heure auparavant, se distinguait. Elle paraissait arrêtée. Iko Teruka et Ba s'en approchèrent prudemment en rampant et virent que sa voile avait été amenée et qu'un câble la retenait à la rive. « Nous sommes joués !» murmura le grand détective. « Nos hommes ont déjà dû débarquer. Ah, regardez !» Un sampan, en effet, venait de se détacher de la rive opposée. Il contenait juste deux rameurs. Il accosta la jonque à bord de laquelle les deux inconnus montèrent. Tout aussitôt, la voile de la jonque fut hissée et son amarre rentrée. Le petit bâtiment, poussé par la brise, glissa lentement sur l'arroyo dans la direction de Saïgon. Mitsui Jinzo et ses amis ont dû débarquer, fit Iko Teruka. C'est à cela que le sampan leur a servi. Il est inutile maintenant d'avertir la police. Nos gens ne sont plus sur la jonque. Et ils vont disparaître facilement dans les rizières des alentours, grommela Ba, furieux. Et dire que si je ne vous avais pas arrêté, vous auriez pu les suivre. Moi et mes ancêtres, nous sommes déshonorés. Je crois que ce qui vous déshonore surtout, pensa Iko Teruka, c'est que tu es un voleur, mon garçon. Mais le détective japonais se garda bien de faire cette réflexion à haute voix. Il ne voulait pas décourager son nouvel allié. Comme il était plus de 2 heures du matin, Iko Teruka jugea qu'il valait mieux aller se reposer. Il emmena Ba dans une auberge des environs de Saïgon, où tous deux couchèrent dans la même chambre. L'affaire était plus embrouillée que jamais. Comment faire pour retrouver les mystérieux voleurs, d'autant plus que maintenant leur acolyte, l'épicier Lampoon, devait se tenir sur ses gardes. Au petit jour, Iko Teruka fut le premier réveillé. Il laissa Ba dormir et réfléchit longuement. Avant tout, il résolut de savoir à qui appartenait la fameuse jonque dans laquelle Mitsui Jinzo s'était enfui avec ses amis. Ensuite, il verrait. Bien qu'il crût Ba très sincère dans ses sentiments de vengeance, Iko Teruka jugea prudent de ne pas lui dévoiler tous ses projets. Il l'éveilla donc, lui déclara qu'il allait continuer son enquête et l'invita à tout faire de son côté pour retrouver Aigne. Ba promit avec de grands serments. Iko Teruka lui donna rendez-vous pour le soir même, dans un coin de la plaine des tombeaux, près de Saïgon. Ce point établi, Iko Teruka prit congé de la Namite et regagna Saïgon à pied. Une fois en ville, il changea encore une fois de déguisement et devint une grosse vieille chinoise à face parcheminée. S'étant ainsi rendu méconnaissable, il alla rôder sur les quais et ne tarda pas à reconnaître la jonque sur laquelle il était caché la veille. Habilement, il interrogea plusieurs coolies et apprit ainsi que la jonque en question appartenait à un grand marchand de riz appelé Wasong. Iko Teruka apprit aussi que le dit Wasong possédait plusieurs navires à vapeur, dont l'un était justement parti de Saïgon, le matin même, pour le Cap Saint-Jacques, à l'embouchure de la rivière, où il devait prendre un chargement d'écorce de cannelle. Iko Teruka résolut de se rendre au Cap Saint-Jacques, mais auparavant, il voulut revoir Ba. Le soir venu, il se rendit dans la plaine des tombeaux, à l'endroit convenu. Ba s'y trouvait, mais inanimé. Il avait un poignard planté dans la poitrine. Iko Teruka s'assura du regard que personne ne le guettait, puis se pencha sur la Namite. Ba vivait encore. Iko Teruka courut au plus prochain poste de police afin de faire transporter le malheureux à l'hôpital. Puis, ayant troqué son déguisement de vieille femme chinoise contre un de douanier à Namite, il s'embarqua une heure plus tard sur un petit vapeur allant au Cap Saint-Jacques.